hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Au début, je rappais dans le quartier. Trop de fans, trop jaloux, j'dû partir. Fallait que je change ma life, wesh alors caraille. Cherche-moi, j'te balaye, balaye. La monnaie, je m'en bats les steaks. Le buzz, les folles, je m'en bats les steaks. Ouais, mardi ici, je veux voir les steaks. Je veux voir les steaks. Ouais, au début, j'avais plein de photos. Au final, il m'en reste pas beaucoup. Pas grave, j'ai l'habitude, je connais le bitume. Au début, je fumais pas le bédo. Jouer au foot, c'était ma vie. Mais tout peut changer dans le ghetto. Tout, mais pas moi, j'ai pas changé mes habits. Je m'entraîne dans les rues du quartier à lever d'une main. On me dit, mais d'où tu sors ces textes, gros, t'es pas humain. Je me lève, je fume pas, je suis de mauvaise humeur. Sans le vouloir, j'ai su cette mauvaise rumeur. Depuis le début, je rappe ma life. Je tombe, je me suis la Nike. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Depuis le début, je rappe ma life. Je tombe, je me suis la Nike. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Casse frérot, tu es le fond du cœur. Si je deviens muet, mes yeux sont le traducteur. J'suis pas de patron, pas de producteur. C'est moi qui bosse, moi qui a des sueurs. Hijo de puta. Évite les sœurs, évite de te montrer de faire le connaisseur. On voit que t'es pas bien quand tu fais le flécheur. Soit tu sens que tu tires et t'es un gros baiser. J'fais des zigzags quand j'ai plus de flash. J'ai fumé la beurre. Alors évite les clans. Je si t'as rien à trop proche. Alors pourquoi tu te caches? Je dis pas que t'es mon frère. Deux jours après tu me lâches. Depuis le début je rappe ma life. Je tombe, je m'inspire la Nike. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Depuis le début je rappe ma life. Je tombe, je m'inspire la Nike. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta.